بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc aujourd'hui le cours 27 dans l'explication de Sharh Usul Iman du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et on est dans le dernier hadith du premier chapitre au sujet de la foi en Allah. Et c'est le hadith qui parle de l'interdiction d'insulter le temps. Il dit: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. Et ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira. Et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah azza wa jal, il dit, le fils d'Adam m'offense, hein? le fils d'Adam m'offense et l'insulte le temps alors que je suis le temps. C'est entre ma main qu'est le commandement et je fais tourner, hein, le jour et la nuit. Et donc, le hadith, on va l'expliquer en résumé rapidement, parce que, étant donné que j'avais oublié d'enregistrer cette partie-là, donc je suis obligé de recommencer pour l'enregistrement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste traduire rapidement la signification de ce hadith. Donc, dans ce hadith, le Cheikh Al-Fawzan, il a expliqué que il y a l'explication du fait que le fils d'Adam, il insulte Allah Azza wa Jal indirectement. Lorsqu'il insulte le temps, pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui contrôle le temps. C'est lui qui contrôle le mouvement dans la création et dans l'univers. Donc, s'il y a quelque chose qui se produit d'épreuve ou un malheur quelconque pendant une année ou pendant un jour ou pendant un mois, hein, eh bien, on n'a pas le droit de commencer à insulter le temps, hein, dans lequel se produit cet événement-là ou cette chose-là, et de blâmer le temps. Parce que le temps en lui-même, il n'a rien créé, il n'a rien décidé, il ne contrôle rien. Tout ce qui arrive dans la création, c'est créé par Allah seulement, et c'est lui qui détermine ce qui arrive. Donc si tu insultes le temps en réalité, eh bien tu insultes celui qui contrôle le temps, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. D'accord, donc tu ne dois pas insulter le temps parce que c'est Allah qui a prédestiné ce qui se produit et ce qui arrive aux serviteurs pendant le temps qui passe. Et quand Allah Azza wa Jal, il dit « Je suis le temps »,« Ana ad-dahr », il faut comprendre que la signification de ça, ne veut pas dire que le temps, c'est un des noms d'Allah, hein. Plutôt, ça veut dire que c'est Allah Azza wa Jal qui contrôle le temps, puisqu'il dit lui-même dans la fin du hadith, le commandement est entre ma main et je fais tourner le jour et la nuit. Hein? Donc, ça veut dire que, yani, lorsque tu insultes le temps, hein, eh bien, tu insultes indirectement celui qui contrôle le temps, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Non pas que le temps fait partie des noms d'Allah. Et ça implique également que, par exemple, comme on sait qu'est-ce qui s'est passé par exemple, cette année ou l'année précédente, avec la pandémie, par exemple, les gens commençaient à insulter l'année ou critiquer l'année. Donc ça, c'est interdit de faire ça, puisque la pandémie, c'est Allah qui l'a prédestinée. Et c'est lui qui l'a créée. Hein? Et donc, il faut juste être patient et savoir que c'est un test d'Allah et se repentir. La même chose aussi pour les gens qui insultent la température, lorsqu'il fait une température mauvaise, ou qu'il fait froid, ou des choses de ce genre, ou s'il y a une sécheresse, ou s'il y a quelque chose. Tout ça, c'est prédestiné par Allah, et par conséquent, on n'a pas le droit d'insulter la température non plus, d'insulter le vent, d'insulter la pluie, d'insulter les choses qui arrivent dans la nature. Tout ça, c'est Allah qui contrôle ces choses-là. Donc ça, c'est le sens de ce hadith-là. Ensuite, on passe à l'autre explication du chapitre suivant. Le chapitre qui suit, c'est à propos du qadar, la foi en la prédestination. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a expliqué ici يعني, des hadiths et des versets à propos de cet aspect-là qui fait partie des fondements de la foi. Et donc il dit, il a cité des versets, 4 versets pour commencer, et un hadith. Donc il dit, باب الإيمان بالقدر وقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. Et il dit ensuite, وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité en premier ces 4 versets. Le premier verset, c'est le verset 101 dans Surat al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il explique et il dit « En seront écartés ceux qui étaient précédemment promis de belles récompenses de notre part. » D'accord ? Donc précédemment, ils ont été précédemment, yani on leur avait précédemment promis une belle récompense. Donc Allah leur avait promis ça. Et le verset 38 dans Surat al-Ahzab, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Donc Allah Azza wa Jal, il explique ici dans ce verset-là que yani c'était de la part d'Allah quelque chose qui a été prédestiné, hein. Donc c'était quelque chose qui s'est produit par la prédestination d'Allah Azza wa Jal. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Et le verset 39 dans Surat al-Qamar, certes, toute chose que nous avons créée, nous l'avons créée dans une juste mesure. Et le verset, donc c'est le verset 49 dans Surat al-Qamar, et ensuite le cheikh il a cité le verset 96 dans Surat al As-Saffat, j'avais sauté ce verset, c'est le verset Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, qui signifie et Allah vous a créé ainsi que ce que vous faites. Il a créé il vous a créé vous et il a créé ce que vous faites. Naam. Et le hadith qu'il a mentionné, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a certes créé, ou plutôt que Allah a certes prédestiné la destinée des créatures avant d'avoir créé les cieux et la terre. Et il a dit 50 000 ans avant. Il a donc prédestiné la destinée des créatures 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Et il dit, et son trône était sur l'eau. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce hadith-là. Il dit, « وَقَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَابُ الْإِيمَانُ بِالْقَدَرُ الْقَدَرُ هُوَ إِحَاطَةُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى بِمَقَادِيرِ الْأَشْيَاءِ وَقَضَاؤُهُ سُبْحَانَهُ مَا يَجْرِي بِهَذَا الْكَوْنِ مِنَ الْحَوَادِثِ الَّتِي تَقَعُ شَيْئًا فَشَيْئًا في هذا الكون فإنه لا يقع في هذا الكون من شيء أو يحصل فيه من شيء إلا وقد علمه الله جل وعلا في الأزل وقضاه وقدره لا يخرج شيء عن قدره وقضائه والأزل معناه الزمان الماضي الذي لا حد له ولا بداية له والأبد هو الزمن المستقبل الذي لا حد لنهايته فلا يجري في هذا الكون شيء اعتباطا أو دون تقدير وقضاء من الله جل وعلا ولا يكون فيه شيء يخرج عما قضاه سبحانه وتعالى وقدره في الأزل. Donc le cheikh il explique que Allah Azza wa Jal il a Donc, dans ce chapitre, le cheikh, il explique la foi en la prédestination. Hein? La foi en la prédestination. Et en arabe, on dit al-qadar. Et al-qadar, ça signifie quoi? Ça signifie le fait que Allah Azza wa Jal, il cerne et il enveloppe toute la destinée des choses. Hein? Et c'est le décret que Allah Azza wa Jal a établi dans la création, hein, et dans l'univers. Tout ce qui se produit, tout ce qui arrive, que ces choses-là arrivent par mesure, selon le décret d'Allah, petit à petit, dans la création. Et donc, il n'y a rien qui se produit dans la création, il n'y a rien qui arrive dans l'univers, excepté que c'est par la science d'Allah que ça se produit. Et que Allah Azza wa Jal l'a su, et l'a décrété, et l'a prédestiné éternellement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sort de son décret et de sa prédestination. Et ça, c'est éternellement. Et le cheikh explique que Al-Azal, en arabe, le terme Al-Azal, c'est par rapport au passé. Et c'est-à-dire que tout ce que Allah Azza wa Jal a prédestiné par rapport au passé, sans aucune limite, il n'y a pas de début, il n'y a pas de commencement, c'est ce qu'on appelle Al-Azal. Et Al-Abad, eh bien, c'est par rapport à l'avenir. C'est-à-dire qu'il sait toute chose, il en est dans l'avenir, sans qu'il y ait une fin ou une limite à ce qu'il sait dans l'avenir. Et donc, en français, on le traduit souvent par l'éternité, c'est-à-dire l'éternité, que ce soit par rapport au passé ou par rapport à l'avenir. Tandis qu'en arabe, Al-Azal ou Al-Abad, eh bien, Al-Azal, c'est par rapport au passé, et Al-Abad, c'est par rapport à l'avenir. Et ça résume, en fait, le sens de l'éternité, que Allah Azza wa Jal, il sait tout, et il a toujours su, et il sera toujours tout, hein, éternellement. Et donc, sa science enveloppe toute chose. Hein, et il a tout prédestiné et décrété tout ce qui se produit dans la création. Il n'y a rien qui arrive par hasard pour Allah, il n'y a rien qui arrive par chance, il n'y a rien qui est aléatoire, il n'y a rien qui sort de son décret éternellement. D'accord? Parce que tout ce qui arrive, c'est ce qu'il a prédestiné. Hein? Et il dit ensuite, والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ومحل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره فما يجري من الخير والشر في هذا الكون فإنه قد قضاه الله وقدره فمن لم يؤمن بهذا فإنه ليس بمؤمن بالله عز وجل وإذا مات وهو ينكر القضاء والقدر فإنه من أهل النار كما جاءت بذلك الأحاديث التي ستأتي في هذا الباب أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه لم يؤمن بالله لأنه نفى شيئا من أفعال الله سبحانه وتعالى وزعم أن الله عاجز وأنه يعني يحدث في ملكه ما لم يقضه ولم يقدره تعالى الله عن ذلك فمن لم يؤمن بهما فهو كافر وعليه وعيد شديد وهو من أهل النار ولو أنفق مثل أحد ذهبا فإن الله لا يتقبله منه. Donc le cheikh il explique que la foi en la prédestination et le décret divin, c'est un parmi les six piliers de la foi en islam. Et c'est-à-dire que la foi elle est basée sur six piliers, et c'est pas seulement donc de croire en Allah. C'est pas seulement de dire que tu crois en Allah puis après tu fais ce que tu veux ou tu crois en ce que tu veux. Non, tu dois croire en Allah et tu dois croire en tout ce qu'il t'a ordonné, hein, de croire en tous les articles et les éléments en lesquels il t'a ordonné de croire pour que ta foi soit complète, Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a résumé et énuméré donc les articles et les éléments fondamentaux de la foi pour le croyant. Il a expliqué que la foi, c'est de croire en Allah, de croire en ses anges, de croire en ses livres, de croire en ses messagers, de croire en le jour dernier et de croire en la prédestination de ce qui a été prédestiné par Allah, que ce soit du bien ou du mal. Et ça, c'est rapporté, ce hadith est rapporté par Muslim selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, et c'est un hadith qui est célèbre, c'est le hadith de Jibril. Et le point important dans ce hadith pour nous par rapport à qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer, c'est l'endroit où, à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et c'est de croire en la prédestination de ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. C'est-à-dire, tout ce qui se produit dans la création, comme bien ou comme mal, il faut croire que ça vient de ce que Allah a décrété et prédestiné. Donc, si quelqu'un ne croit pas en la prédestination, eh bien, c'est comme s'il n'avait pas cru en Allah, en Allah Azza wa Jal en même temps. D'accord? Parce que tu peux pas être croyant si tu n'as pas cru en ces six fondements et ces six piliers de la foi. De croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et en la prédestination. Et il dit que si quelqu'un meurt sans croire en la prédestination et le décret divin, eh bien, il sera parmi les gens de l'enfer. Hein? Il va demeurer éternellement en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a renié un élément qui fait partie des fondements de la foi. Et comme les hadiths ont été clairs à ce sujet-là, hein, que celui qui ne croit pas en la prédestination, c'est comme s'il n'a pas cru en Allah, parce qu'il a nié quelque chose qui fait partie en réalité des actes d'Allah Azza wa Jal. Et il pense ou il prétend, en niant la prédestination, il prétend que Allah Azza wa Jal est impuissant, qu'il n'a pas la puissance complète et totale de ce qui se produit dans la création. Et c'est comme s'il était en train de dire que quelque chose peut se produire dans la création et dans l'univers sans que Allah l'ait décrété et sans que Allah l'ait prédestiné. Mais si quelqu'un, donc, n'a pas cru en la prédestination et en le décret, eh bien, il est mécréant. Hein? Et il y a une menace sévère contre lui. Et il sera parmi les gens de l'enfer, peu importe qu'est-ce qu'il a fait comme bonne action, même s'il avait dépensé en aumône une montagne d'or, comme la montagne de Uhud. Hein? Parce que Allah Azza wa Jal n'en acceptera rien. Et ça a été justement la réponse de Abdullah ibn Umar lorsqu'on lui a posé la question à propos des gens qui niaient la prédestination à son époque. Hein, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a parmi les tabi'in, les élèves des sahaba, il y en a deux qui sont venus le voir pendant le hajj pour lui poser justement des questions. Et ils lui ont demandé à propos d'un individu qui ne croyait pas en la prédestination, hein, et en le décret divin. Et Abdullah ibn Omar, il leur a répondu en disant, hein, transmets-leur de ma part que je me désavoue d'eux et qu'ils n'ont rien à voir avec moi. Et que Allah ne va rien accepter de leurs œuvres, hein, tant qu'ils n'ont pas accepté de croire en la prédestination. Donc ça, c'était une parole claire de la part de ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça fait partie des fondements dans la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose de très important pour le croyant. Le cheikh, il explique, il dit ensuite wal iman bil qada'i wal qadar yatadammanu arba'a maratib. Non. Donc il dit, le cheikh, al martabatu al ula الإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون في علمه الأزلي ولا يقع شيء لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة علمه أولا ثم كتبه في اللوح المحفوظ أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب وما هو فقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وكما قال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها والكتاب هو اللوح المحفوظ وقوله تعالى من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها ونوجدها فهي مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن نوجدها والمرتبة الثالثة الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى شاء كل شيء وأراده مما قضاه وقدره في اللوح المحفوظ فلا يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى ولا يقع في ملكه ما لا يريد قال تعالى فعال لما يريد والمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة الإيمان بأن كل ما يقع في هذا الكون فهو من خلق الله جل وعلا فكل شيء في هذا الكون من خير أو شر فإنما هو خلقه جل شأنه وهو فعل العباد فالخير والشر من أفعال العباد وهما خلق من خلق الله كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون أي خلق ما تعملون وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وكل ما يجري وما يحدث وما يكون فإنه خلق الله جل وعلا فلا بد من الإيمان بهذه المراتب كلها سواء الإيمان بعلم الله السابق أو الإيمان بالكتابة باللوح المحفوظ والإيمان بمشيئة الله وإرادته بكل ما يحدث والإيمان بأن كل ما يحدث بأنه خلق الله سبحانه وتعالى فلا أحد يخلق مع الله عز وجل ولا يكفي الإيمان بمرتبة دون مرتبة أخرى أو بمرتبة واحدة أو اثنتين أو ثلاث فلا بد من الإيمان بكل هذه المراتب الأربع وهي موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب يعلم ما في السماء والأرض هذه مرتبة العلم إن ذلك في كتاب هذه مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ إن ذلك على الله يسير فهذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر ثم إنه donc on va lire jusqu'ici on va traduire jusqu'ici le cheikh il explique que il y a 4 degrés par rapport au pilier de la foi, de la prédestination et du décret divin. Il y a 4 éléments, 4 principes ou 4 degrés en lesquels on doit croire pour que notre foi en la prédestination soit complète. Si quelqu'un n'a pas cru ou accepté ces 4 degrés, eh bien c'est comme si sa foi en la prédestination était nul. Il doit vraiment accepter ces 4 degrés-là. Et pour les résumer, les 4 degrés, c'est premièrement la connaissance d'Allah, de croire que Allah sait tout éternellement. Deuxièmement, qu'il a tout écrit ce qui allait arriver jusqu'à la fin des temps. Troisièmement, qu'il faut croire que tout ce qui arrive, c'est parce que Allah l'a voulu. Il n'y a rien qui arrive dans la création qui peut sortir de la, qui sort de la volonté d'Allah. Donc tout ce qui arrive, c'est Allah qui l'a voulu. Tout ce qui a été prédestiné, tout ce qui a été écrit, c'est dans la volonté d'Allah. Et quatrièmement, que tout ce qui se produit, c'est créé par Allah. C'est Allah qui l'a créé. Il n'y a pas d'autre créateur que lui. Donc ces 4 éléments-là sont fondamentaux. Et il faut accepter ces 4 degrés-là. Ils sont tous basé sur des preuves du Coran et de la Sunna Chacun d'entre ces degrés-là est établi sur des preuves dans le Coran et dans la Sunna. Donc, premièrement, le premier degré, Allah Azza wa Jal, il dit, hein, donc, premièrement, le premier degré, c'est la foi en la science infinie d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire la foi parfaite d'Allah, qu'il connaît tout éternellement et qu'il n'y a rien qui existe excepté que Allah Azza wa Jal le connaît. D'accord? Donc, c'est la science d'Allah Azza wa Jal. Le deuxième degré de la foi à la prédestination, c'est le degré de Al-Kitab. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il a écrit dans la table préservée la destinée de toute chose jusqu'à l'heure du jugement dernier. Il l'a su, premièrement, il a tout su ce qui allait arriver et il a tout écrit ce qui allait se produire dans la table préservée. Donc, en premier, hein, il a tout su et il a tout écrit. Et comme c'est mentionné dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud et At-Tirmidhi, selon Ubadah ibn Samit, il explique que il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah a créé la plume, il a dit à la plume, écrit tout ce qui va se produire jusqu'au jour de la résurrection. Donc, il a ordonné à la plume d'écrire la destinée de la création, sans exception. Et Allah Azza wa Jal, il mentionne dans Sourate Al-Hadid, le verset 22, il dit dans ce verset ce qui signifie, il n'y a rien qui vous atteint dans vos personnes ou sur la terre comme malheur, excepté que c'est dans un livre, avant même de l'avoir créé, avant même que cette chose-là ait été créée. Et le cheikh explique que le livre dont il est question ici, c'est la table préservée, Al-Lawh Al-Mahfouz. Et « Min qabli an nabra'aha », c'est-à-dire avant même de l'avoir créé. Donc, la prédestination, et tout a été écrit dans qu'est-ce qui allait se produire dans l'univers, tout a été écrit avant la création des cieux et de la terre. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith qu'on a lu précédemment, il a écrit tout 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc, c'était écrit dans la table préservée. Ça, c'est le deuxième degré. Donc, le premier degré, la science d'Allah, qui est éternelle. Et le deuxième degré, le fait que Allah a tout écrit. Le troisième degré, le fait que tout ce qui se produit dans la création, eh bien, c'est uniquement parce que Allah Azza wa Jal l'a voulu. Donc, tout ce qu'il a voulu, hein, il a écrit dans la table préservée. Et donc, il n'y a rien qui se produit dans la création, excepté que c'est par ce qu'il a voulu et par sa volonté. Il n'y a rien qui peut se produire dans son royaume et dans ce qu'il a créé sans que ce soit selon sa volonté, parce qu'il fait ce qu'il veut. Comme Allah il le dit dans le verset 107 dans Sourate Hud, « Fa'alun lima yurid » et il le dit aussi dans la sourate Wassama'i dhati al-Buruj. Dans sourate al-Buruj, il dit fa'alun lima yurid. Donc ça veut dire que tout ce que Allah veut, hein, il le fait, et il n'y a rien qui peut se produire excepté que Allah l'a voulu. Si Allah ne le veut pas, ça n'arrive pas. Et c'est comme on dit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Masha'Allahu kan. وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. Ce que Allah veut, c'est, et ce qu'il n'a pas voulu, n'est pas. Ça veut dire que si Allah n'a pas voulu qu'une chose se produise, ça ne peut pas se produire. Donc ça, c'est le troisième degré. Et ça implique quoi aussi? Ça implique que même des choses qui peuvent se produire dans la création, qui peuvent nous sembler mauvaises, hein, même si des choses qui peuvent nous sembler mauvaises, Allah Azza wa Jal, il l'a voulu. Mais en même temps, il ne faut pas confondre entre ce que Allah a voulu et ce que Allah a légiféré. Parce que Allah Azza wa Jal, il peut parfois vouloir que quelque chose se produise, même si c'est quelque chose qu'il n'aime pas, il permet à cette chose de se produire, mais c'est parce qu'il y a derrière ce mal une sagesse. Hein? Derrière ce mal que Allah a voulu, il y a une sagesse, et derrière cette sagesse, il y a un bien. Donc c'est possible que parfois, une personne voit que Allah a prédestiné quelque chose, ou que Allah a créé quelque chose, et qu'il y ait en cette chose un mal quelconque, n'empêche que dans l'existence de ce mal, eh bien, il y a une sagesse et il y a un bien dedans. D'accord? Donc, le bien et le mal existent dans tout ce que Allah a créé, et Allah Azza wa Jal n'a pas créé un mal qui est pur, qui est purement mauvais. Puisque même dans le mal qu'il a créé, il y a une sagesse qui est bonne. N'empêche qu'il nous a clarifié ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas dans sa révélation par l'intermédiaire de ses messagers. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut se référer à sa révélation pour connaître ce qu'il aime. Et on n'a pas le droit d'utiliser la prédestination comme argument contre sa révélation. Parce que souvent, il y a des gens qui essaient de jouer comme ça. Hein? Ils disent par exemple, si Allah a créé telle chose, ça veut dire que c'est pas interdit, puisque sinon il l'aurait pas créé. Non, ça ne veut pas dire ça. Allah, il a créé par exemple le porc et il nous l'a interdit. C'est pas parce qu'il a créé que ça veut dire que c'est permis. Et l'alcool, c'est la même chose. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Iblis, hein, le shaytan, Allah Azza wa Jal, il l'a maudit. Hein? Et donc, dans ce cas-là, il y a une sagesse dans le but. Pourquoi il a créé le shaitan? C'est pour nous éprouver et pour nous tester. Et donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Il faut bien réfléchir et bien comprendre et bien étudier pour arriver à les comprendre et à les connaître. Et le dernier degré, par rapport à ces degrés-là, c'est le degré de la création. C'est-à-dire que tout ce que Allah Azza wa Jal a créé dans l'univers, tout ce qui arrive dans l'univers, tout ce qu'Allah a voulu dans l'univers, c'est parce qu'Allah l'a créé. Il n'y a pas d'autre créateur avec lui qui a créé quoi que ce soit. Hein? Allah Azza wa Jal, il dit « Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun ». C'est-à-dire, il vous a créé et il a créé ce que vous faites. Donc, même qu'est-ce que les êtres humains fabriquent et qu'est-ce qu'ils font comme action, c'est Allah qui le crée. Que ce soit bon ou mauvais, tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé. D'accord? Donc, il n'y a pas plusieurs créateurs. Et il n'y a pas comme chez les Majus, par exemple. Les Majus qui croient qu'il y a un dieu du bien puis qu'il y a un dieu du mal. Non, il y a un seul créateur. Et il a tout créé. Hein? Et il n'y a pas d'autre créateur que lui. Wallahu khaliqu kulli shay. Allah a créé toute chose. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Donc, ça, c'est les quatre degrés. Parmi les degrés de la foi en la prédestination, et c'est une obligation de les accepter tous, et on n'a pas le droit d'en prendre juste un puis de laisser les autres. Il faut accepter tout au complet. Donc nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on va continuer, bi'idhnillah, au prochain cours avec la suite de cette explication-là, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.